tiens dans l'assemblée des puissants. Il juge au milieu des juges. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et prendrez-vous parti pour les méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit aux malheureux, aux pauvres. Arrachez l'indigent de la main des méchants. Mais ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Vous êtes tous, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme les princes de ce monde. Lève-toi, ô Dieu, juge.